Hey, jeunesse, hein. Lève-toi. Chad MC, Baby P, t'es l'haïtien. Écoute, écoute. L'heure a sonné, il est temps de quitter ton sommier. Depuis qu'Adam et Ève goûtent du fruit de ce pommier. L'univers s'enfonce dans la noirceur. Et même sans raison, tu ne peux t'empêcher d'avoir peur. Il est temps de mettre le pied à l'étrier. Si c'est ton frère qui t'en empêche, va le prendre et aller prier. Qu'attends-tu pour mettre en action sa parole? N'attends pas d'être chinois pour que le riz vienne dans ton bol. Lève ta voix même si ta foi est infime. Ne sais-tu pas qu'elle suffit pour guérir un infirme? Il faut te rêver, prier et veiller. Sinon c'est du prix de ta vie que tu vas payer. Frère, si t'es perdu dans la brume, Baby Peach, Ademsi et l'haïtien t'éclairent de leur plume. Dans mon quartier on m'appelle Laskinson l'haïtien. Mais dis à Satan de m'appeler Laskinson le chrétien. L'âme, l'éveil de l'année, que chaque soldat maîtrise l'arme et qu'il soit prêt à l'armer. Fini les doutes, mets tes treillis et boots. Peu importe ce que ça coûte, il faut des gens qui shoot. Y'a trop longtemps que l'on joue, que l'on échoue. Trop de passes chelous, donc on laisse le chétan chez nous. Vas-y, lève-toi, gars, et puis lève-toi, boy. L'éternel veut taper avec nous depuis un bail. Ouais, ça fait un bail que le monde descend dessus, dessous. Pour des histoires dessous, les jeunes se tapent dessus. Les filles se montrent en dessous, j'avoue que je suis grave déçu. L'unité se dissout, et donc je gratte dessus. Faut qu'on bosse sur homie. Rares sont les copies qui ne réussissent qu'avec un talent et puis un hobby. Reste solide, intègre et digne, et remets tout dans la prière, voilà la règle qui prime. Lève-toi. Deviens plutôt acteur de la gloire et l'honneur de notre cher Seigneur. Ne reste pas sur la touche. Oui, il est temps d'ouvrir la bouche. Jeunesse, fais-toi entendre. Lève-toi.